Section 2, première partie, suite. Si je goûtais alors pleinement chaque jour et le vivais dans la joie que mon souvenir retrouve, le soir ne m'en apportait pas moins ses angoisses, où l'effroi de l'ombre se mêlait à la tristesse de n'en être pas défendu par la présence de ma mère. Rappelé dès le crépuscule, je venais sagement m'asseoir près de ma tante, dans l'embrasure où elle avait coutume de se tenir. Elle n'aimait point qu'on allumât trop tôt, et, laissant l'ouvrage, elle promenait ses regards au-delà des vignes sur la bande claire du couchant. Il arrivait alors que les vents orientés de façon favorable portassent jusqu'à nous l'Angélus sonnant sur la ville ou le village voisin. Ma tante récitait à voix haute le premier verset de la prière « Angelus Domini nuntiavit Mariae ». L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle enfanterait le Sauveur du monde. À quoi Segonde, préparant la lampe à l'office, répondait « Ecce ancilla Domini ». Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. L'Ave Maria suivait. Segonde entrait portant la lampe et fermait les volets. C'est alors que l'ennemi s'installait près de moi. J'acceptais de passer des soirées entières à regarder les tisons, par crainte d'aller chercher dans la pièce voisine mon livre qui y était demeuré. Notre petite salle éclairée par la lampe, la cuisine où flambait un grand feu, formait mon domaine. Au-delà, tout m'eût paru menaçant et hanté. J'aurais aimé qu'on fermât à clé, derrière moi, la porte de la salle à manger, ou encore celle qui, de la cuisine, ouvrait sur le bûcher et le jardin. Et je ne pouvais comprendre que Segonde tardât tellement à tirer les volets de ces deux fenêtres, aux petits carreaux desquels le reflet de la flamme me faisait craindre de voir des mufles collés. La sérénité des deux femmes ne pouvait rien contre un tourment que, d'ailleurs, je n'avouais pas, et qui était faible, en somme, au prix de celui qui m'étreignait dans la solitude nocturne. Nous gagnions les chambres, non par l'escalier central, mais par un autre, plus rustique, établi dans la cuisine et aboutissant à l'extrémité du couloir desservant l'étage. Je m'arrangeais pour n'y point passer le premier, afin de n'entrer chez moi que derrière la servante. Elle avait vivement fait de m'y installer, et dès qu'elle me laissait, je m'efforçais au calme. Mais l'ombre des rideaux elle-même me gênait, et, pour rien au monde, je ne me fusse approché du miroir. Je ne donnais point corps à mon effroi, et je n'aurais pu dire précisément ce que je craignais, mais tout mon être vibrait d'attente, angoissée, et la moindre illusion m'eût affolé. Je souffrais moins quand j'étais blotti dans les draps, la bougie éteinte, le dos tourné au vide de la chambre, où parfois, cependant, un meuble craquait. Le sommeil venait bientôt me prendre, mais pour m'être encore bien redoutable. Aux cauchemars habituels, où nos pieds se refusent à la fuite, où l'on choit dans un vide sans fin, il s'en ajoutait un plus terrible. Ma mère m'y apparaissait, mystérieusement réprobatrice, avec un regard froid que je ne lui connaissais pas. Ma tristesse, l'affirmation de mon innocence, ne pouvait rien contre sa rigueur. Je suppliais vainement et finissais par m'éveiller en larmes. Il m'arrivait encore de me revoir chez mes parents, heureux et jouant avec des cubes que je m'amusais à échafauder de mon mieux. Tout d'un coup, la muraille, ainsi construite, oscillait et menaçait ruine, et je demeurais terrifié à l'idée du bruit qui allait suivre et de l'apparition possible de mon père. Je me retrouvais en sueur, haletant, le silence semblait bruire, la pluie ruisselait sur les branches, un grand vent emplissait l'espace et le tablier de la cheminée s'agitait. Je me sentais seul. La chambre de ma tante avait deux lits, mais mon oncle était mort dans celui qu'elle m'eût bien facilement offert sur ma prière. Je savais mon mal sans remède et le subissais, le corps tendu, les yeux clos. Quelquefois, la demi-clarté du matin me venait seule en aide. Je la devinais sous mes paupières et, l'esprit calmé par elle, je goûtais enfin un sommeil profond. Le jour ne m'épargnait point toute crainte. Je ne traversais pas volontiers les pièces isolées de la maison. La salle à manger, si proche, m'était déjà hostile. Le couloir d'allée qui la séparait du salon m'impressionnait de sa résonance et du jour mystérieux dont l'éclairaient les carreaux peints placés au-dessus des portes. Le large escalier me glaçait. Je savais dès cette époque que mon oncle, atteint de maladie aiguë, avait été relevé mourant sur les dernières marches, soit qu'il se fût précipité dans l'excès de ses souffrances ou qu'il fût tombé par faiblesse, en appelant à l'aide pendant une absence de la garde un matin que ma tante cédait au sommeil. Je n'entrai jamais au salon où deux portraits des hôtes, au premier temps de leur mariage, me demeuraient plus étrangers que s'ils eussent représenté des inconnus. Chaque jour, cependant, on ouvrait les fenêtres de cette grande pièce, située à l'extrémité de l'aile droite, et par où la vue s'étendait à travers les branches, jusqu'au fleuve lointain. Mais j'allais seul, et par jeu, chercher du bois dans le bûcher, salle basse attenante à la cuisine, et qu'une petite fenêtre éclairait. Les fagots empilés, les tas de pommes rainettes, les pommes de terre fleurant le sillon, l'emplissaient d'une senteur d'automne qui suffisait peut-être, parce qu'elle évoquait des sous-bois et des champs, à chasser toute idée gênante. J'y jouais à balancer les tresses d'oignons dorés accrochées aux poutres basses, sur lesquelles séchaient des pains de savon. Parfois, l'un des bulbes, détaché, roulait dans le bruit de sa pelure plus fine qu'un élytre de hanneton. Je traversai cet endroit d'un pied sûr pour gagner une autre pièce, dans laquelle, au jour de la récolte, mangeaient les vendangeurs, et qui, vide toute l'année, gardait sur ses bancs longs, ses tables grasses, l'odeur vineuse des repas paysans. Cette salle ouvrait de plein pied sur la cour. Mais mon terrain d'élection était le jardin, avec ses tournantes allées bordées de buis, ses massifs panachés l'été de reines marguerites et de roses, de géraniums et d'hortensias, de véroniques et d'héliotropes. J'y jouais aux grandes vacances à faire des pâtés de sable, à créer de nouveaux et minuscules parterres traversés de ruisseaux, au bord desquels feuilles et fleurs piquées prenaient la splendeur des végétations tropicales. J'avais là deux amies, l'une familière, une vielleuse de plâtre peint, en jupon rouge et panier bleu, l'air modeste à la fois et sensible et posé sur un socle bas, l'autre, plus noble, une muse en pire, réfugiée sous la charmille et dont un bras était cassé. Je leur portais des fleurs. La vielleuse les pouvait retenir dans sa main courbée. La muse ne les recevait qu'à ses pieds. Je ne doutais point qu'elles me fussent propices, et je les prenais à témoin de mes travaux. Mais le soir changeait leur aspect favorable. La muse n'était plus qu'une ombre au fond de la charmille, assombrie. La vielleuse redevenait de pierre, reculait, on eût dit, sous les branches protectrices, et je laissais le jardin. Ma sympathie pour ce lieu était telle que l'hiver ne m'en chassa pas, et que je trouvais encore à m'y plaire, chaque jour, aux heures où le soleil brillait. Il se faisait plus rare, il arrivait qu'il ne perçât qu'un instant, à midi, pour se voiler ensuite, et ne donnait plus qu'une clarté rose que le prompt crépuscule éteignait. Noël était proche, et leur sourire pâle faisait mélancolique ces dernières journées de l'année qui mouraient. Nous eûmes quelques jours de neige, pendant lesquels je ne pus sortir. Le front collé aux vitres, je regardais, parmi les champs recouverts, les maisons éparses, ancrées comme des nefs sur une mer unie. Ma tante ayant lu tout haut quelques pages d'Histoire sainte, j'imaginais être dans l'arche, et qu'une main soigneuse y avait entassé toutes les provisions nécessaires à la traversée de l'hiver. Noël vint. La veille fut une journée toute voilée de brumes douces, où les choses n'étaient plus que leurs propres fantômes. J'eus dans le jardin, au matin, l'impression de vivre au fond d'une eau bleue que le soleil ne perçait pas. Il parut, cependant, vers midi, mais pour se ternir bien vite, et ne laisser après soi qu'une lueur souffrante qui alla s'affaiblissant jusqu'à la nuit. Vers 4 heures, de la cuisine où je regardais Seconde pétrir pour le lendemain un massif gâteau de froment, le jardin m'apparut soudain tout en fleurs, et j'en témoignai ma surprise. Seconde regardait aussi les deux mains dans la pâte. J'en profitai pour coiffer mon béret et sortir. Le froid plus vif du crépuscule avait congelé le brouillard autour des branches et vêtu celle-ci d'une miraculeuse floraison. Je courus follement dans les allées que les buis couvert de neige, bordait d'hermine. Chaque arbuste paraissait plus gainé de corolles que les pêchers au printemps. Les buissons semblaient une cristallisation fragile, et les feuilles encore suspendues y mettaient des pétales. Dans la prairie, chaque brin d'herbe était givré. J'y brisais ma course, ainsi qu'au bord d'un champ de fleurs. Au-delà, se devinait un pays mystérieux, où les arbres nus s'achevaient en fumée. Je croyais vivre une féerie, et que les anges allaient passer. Le demi-jour baissa soudain, la brume devint mauve, et je me retournai vers la maison, confuse elle-même, au bout du jardin. Mais la lueur du foyer illuminait les deux fenêtres, et j'allais vers elle avec un vif bonheur. « Et ces fleurs, donc ?» me dit Segonde. Je montrai mes mains mouillées où fondait un reste de givre, et m'assis devant la flamme pour y sécher mes souliers lourds qui commencèrent de fumer. L'espoir d'assister à la messe de minuit que je n'avais jamais entendue me réjouissait. Nous dînâmes plus tard que d'habitude, afin que la veillée fût moins longue. Nous nous groupâmes ensuite devant le foyer de la petite salle, à la lueur duquel Segonde, sur une chaise basse, défaisait, dans son tablier, les grains de quenouilles de maïs pour ses poules. La lampe, posée sur la table, éclairait le livre pieux dont ma tante nous lisait parfois un passage. Le repas n'avait rien eu de moins frugal que de coutume. La dinde que j'avais vue égorger la veille, la pâtisserie, à la confection de laquelle je m'étais intéressée, ne devait paraître qu'au déjeuner du lendemain. « Jésus n'est pas encore né, » m'avait-on dit, comme je boudais devant un dessert d'amandes sèches et de nèfles en robe de bure. En ce moment, Joseph et Marie cherchent où poser leur tête. Les auberges sont pleines de voyageurs, et personne ne veut céder sa place, à table ou sous le toit. Je pensais au brouillard nocturne, à la route longue. « Comme nous les accueillerons, nous, » me disais-je ce soir, s'ils frappaient. On avait réservé pour la veillée une bûche énorme qui, vers 6 heures, fut assise sur un beau brasier de sarments. J'en fixais des yeux les cavernes rutilantes. Des palais d'or s'écroulaient pour montrer derrière eux de nouvelles richesses. En soufflant, à certains endroits, on pouvait faire jaillir de longues étincelles qui se croisaient avec un bruit sec, sur quoi le silence se refermait. Cependant, Segonde, tout en défaisant les grains de maïs, en plaça quelques-uns devant moi dans la cendre chaude, où ils éclatèrent bientôt en petites fleurs blanches qu'elle me permit de manger. Ma tante et Segonde, craignant de somnoler à la messe, dans l'habitude où elles étaient de ne jamais prolonger bien avant la veillée, nous avions pris d'un café fort, grâce à quoi le sommeil ne m'inquiétait guère. Il y eut un moment de sa lecture où ma tante parla de loups ravissants. Ce passage fut suivi d'un silence que Segonde rompit en me disant « J'en ai vu, moi, des loups, et justement, un soir de Noël, en revenant de la ville. Leurs yeux brillaient derrière les buissons de la route. « Alors, qu'as-tu fait ? » demandai-je. J'ai crié « Au loup !» et j'ai couru en me signant tellement que j'en perdis l'une de mes galoches et que je suis rentrée chez nous à cloche-pied. Dame, je n'étais pas bien gaillarde. Et maintenant, que ferais-tu ? Elle secoua la tête. Il n'y a plus de loups dans le pays. C'était dans l'étang. On a déboisé depuis pour planter la vigne. Elle se rappelait l'époque où les bateaux et chemins de fer, encore inconnus dans la contrée, un courrier menait seul au chef-lieu. Son père s'y était même rendu à pied les 2 fois de sa vie qu'il y avait eu affaire. Des voleurs faillirent l'arrêter dans un bois qui coupait la route. Segonde, elle, n'avait jamais quitté le pays. Le temps passa vite. Et quand la voiture roula dans la cour, il se trouva que nous songions à peine à partir. Justin, entré dans la cuisine par le bûcher, une lanterne à la main, assurait que la nuit était douce. Mais cette sortie à l'air humide ne laissait pas de nous inquiéter. Le feu rangé, la lampe éteinte, nous fûmes enfin prêts, et Justin, éclairant la marche, nous reprîmes avec lui la route qu'il avait amenée. Je m'étais soigneusement placée entre ma tante et Segonde, mais celle-ci, au milieu du défilé des salles obscures, s'avisa d'un oubli et retourna à tâtons, me laissant fermer la marche. Le mouvement par lequel je saisis la pelisse de ma tante fut si brusque qu'elle s'arrêta pour me prendre contre elle et refermer sur moi son manteau. Segonde nous rejoignit au seuil de la cour. Elle portait sur le bras une mousseline pliée qui me fit lui demander si elle pensait se vêtir en mariée. « Tout juste, » me répondit-elle, en montant dans l'omnibus. Le brouillard était dense, nos lanternes n'y faisaient chacune qu'un petit nimbe de clarté. Le cocher menait presque au pas. Par instant, une silhouette apparaissait brusquement sur la route. Justin donnait de la voix, un bonjour s'échangeait. Le piéton dépassé se perdait derrière nous. L'odeur des chaufferettes que nous emportions pour l'église emplissait la voiture. Une lourde torpeur me saisit. Les peupliers surgissaient, un à un, et semblaient nous dévisager au passage. Je pensais au roi des aunes, que ma mère chantait au piano, et dont je m'efforçais de retrouver les paroles dans le chaos rythmique des roues. Je fus tiré du songe par des éclats de voix et l'air froid brusquement entré. La portière ouverte, Seconde s'efforçait de faire monter une vieille femme que nous avions failli écraser. « C'est-il possible à votre âge, ma pauvre Mariette ? » lui disait-elle. « Seriez-vous pas mieux dans votre lit ?»« On peut pourtant pas vivre comme des bêtes, » répondait la vieille. Puis, soufflant sa lanterne par la cheminée, elle ajouta « Autant d'économiser, sans compter les jambes », et se prit à rire, de façon saccadée. Le voyage continua. L'on commençait d'entendre les cloches comme une rumeur éparse. Les passants se faisaient nombreux, et de plus en plus me pénétrait l'importance de cette heure qui peuplait les chemins vides et faisait ainsi bruire les airs. L'horrible fracas des vitres secouées annonça le pavé de la ville. Nous arrivâmes. L'office commençait, l'église, lumineuse, bourdonnait telle une ruche, et je reconnus, dans le cantique dont elle vibrait, un air par lequel bien souvent ma mère, le disant lentement, m'avait bercé. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez. C'est à peine si nous eûmes de place. On se dérangeait peu. Je me trouvais enfin assis près d'une fillette, à voix aiguë, qui s'épuisait de chanter. Pour nous livrer la guerre, tous les enfers sont déchaînés, descendez sur la terre. L'orgue et les voix s'apaisèrent, le prêtre officier. Je dus m'assoupir sur l'épaule de ma tante, et c'est mon rêve, sans doute, qui mêle au souvenir de cette messe celui de ma mère, qui n'y assistait pas. Un autre cantique me la rendit présente, avec sa voix, son souffle tiède sur mon front, ses bras qui m'enveloppaient tout entier et si bien. Les anges, dans nos campagnes, ont entonné l'hymne des cieux. Il fallut cependant m'éveiller, parce qu'un grand mouvement se faisait autour de moi. Ma tante rassemblait son petit sac, son missel, ses gants sur le prie-dieu, et se levait pour rejoindre dans l'allée la colonne des fidèles qui allait vers la sainte table. Je vis alors qu'avant de suivre sa maîtresse, Seconde s'entourait le visage de la mousseline apportée, et comme elle, toutes les humbles femmes de la ville, les ouvrières pauvres et les servantes, avaient ainsi couvert leur tête pour approcher de l'époux. La colonne n'avançait plus que par instants. Les communiés revenaient en file par les bas-côtés, les mains jointes ou croisées qu'effleurait le voile baissé. Elles gagnaient leur place et restaient longtemps agenouillées. L'orgue priait avec elles à mi-voix. Près de moi, la fillette extasiée béait aux lumières de l'autel. Ma tante revint, le regard sur ses mains qu'elle tenait enlacées, la face parée d'une grande sérénité. Seconde parut après, les mains jointes à plat devant elle, la figure inclinée sous la mousseline blanche. Toutes deux s'absorbèrent dans la méditation. Discrètement, avec un signe de croix rapide et l'esquisse d'une génuflexion, on commençait de partir. Mais l'orgue préluda et, sur un rythme d'allégresse pastorale, le cantique final jaillit. « Il est né, le divin enfant. Jouez, au bois. Résonnez. Musette. » Les fidèles, en foule et debout, chantaient, et toutes les bouches, formées à ce cœur ancien, semblaient n'avoir qu'une voix, emplissant l'église, et qui devait s'entendre au-delà, dans les campagnes silencieuses, sur qui les cloches se reprenaient à sonner. Une étable et son logement, un peu de paille, sa couchette. Il est né, le divin enfant. On sortait encore exalté dans la vibration profonde de l'orgue. Les groupes ne stationnaient plus comme le dimanche, mais se hâtaient vers les rues étroites où des lumières s'apercevaient. Le brouillard s'était levé. Nous remontâmes dans l'omnibus que Justin ramenait de la remise, et le sommeil m'y reprit si bien que je m'éveillai seulement à la grangère, dans la petite salle où l'on avait dû me porter. Le chocolat fumait dans les tasses. et seconde me déchaussait pour que mes pieds fussent plutôt sensibles à la flamme qu'elle venait de ranimer. Je pensais alors à laisser pour la nuit mes souliers au foyer. Mon idée fit se regarder les deux femmes, et ma tante prétendit avec embarras que le Père Noël n'avait point accoutumé de venir chez elle, et qu'il serait bien pauvre s'il songeait à passer en revenant de sa tournée. Je persistais dans ma confiance, et, le sommeil m'ayant fui, je serais volontiers demeuré dans l'espoir d'un cadeau si je n'avais jugé que mon absence fût plus propice à sa venue. En me couchant, des chants de joie m'environnaient encore, et je les redisais en pensant à ma mère, de qui je les avais appris. Je savais la revoir bientôt, puisque le mois ne pouvait finir sans qu'elle vînt me chercher. Elle n'avait point redit dans ses lettres que cela dût être à Noël, mais rien ne prouvait que le lendemain ne l'amènerait pas, et je me flattais de cette espérance. La bougie éteinte, je m'aperçus qu'on avait oublié de tirer les volets et que la clarté lunaire baignait ma chambre. Le dessin de la fenêtre se projetait sur le tapis. Je considérais aux vitres nues le scintillement profond de la nuit, et je demeurais sans aucune crainte, les yeux clos, avec le sentiment d'une présence céleste à mon chevet. Fin de la section 2.